La technoscience sous un soleil radieux nous permet l'invention de mondes merveilleux. 100 000 raisons de tourner la page quand je pense que Suzy est restée à la plage. Ouh, le bonheur est partout, ça déborde même, c'est fou. Ça va pas être facile de trouver son style. Allez. T'as bien compris ta vie, t'as bien suivi la trace. Comment tu peux tranquille éloigner les menaces? Comment tu peux t'envoyer les princesses de l'espace? Éloigner les risques aussi, faut pas trembler, hélas. Le plaisir est à nous, y'en a pour tous les goûts. Ça va pas être facile de trouver son style. Allez. Je suis innocent, vous dis-je, c'est pas moi, c'est ma sœur. Même s'il y a plus vraiment de machine à vapeur, quand on y est pour rien, qu'on y est pour personne, on peut toujours essayer l'amour au téléphone. Et votre style, vous l'avez dans Only Rock, l'émission rock, la passion du rock sur le web. C'est tous les mardis de 17h30 à 19h avec Fabien Micro. Pendant 1h30, on est ensemble, on va écouter du bon son parce qu'au programme, on va avoir entre autres du Noir Désir, bien évidemment, des Clash, on va écouter du Crash Birds, du Dirty Deep, du Led Zepp, du Malo Solo, du Massestaria, du Matmata et j'en passe et d'autres. Et en exclusivité pour Only Rock, bien évidemment, l'interview exclusive du groupe Blancas, qui était en concert la semaine dernière, le vendredi 7 février, à l'Espace Sologne de La Ferté-Saint-Aubin. J'ai pu rencontrer Guillaume, qui m'a gentiment accordé une bonne vingtaine de minutes d'interview. Et pour l'anecdote, notre ami Jackal était aux photos pour cette interview, que vous avez pu voir notamment sur la page Facebook de l'émission Only Rock. Voilà, j'aurai d'autres surprises à vous réserver dans l'émission, mais tout de suite on commence avec Lazy, Noir Désir, parce que vraiment c'est un titre que j'adore. C'est parti. Ready, I know it would be so easy. Anyway, dark lady, I feel lazy. Though the afternoons are confused, I don't think that you really choose. But they found one more reason to feel lazy. I couldn't lie, I can't deal with what's in your mind. Anyway, I am tired and I feel lazy. You know we're both lost in a mist. You're miserable and I am so dazed. Don't you think you should feel suddenly lazy? While you go away, you got away. Pourquoi je vous parle de Noir Désir? Alors pour ceux qui me connaissent, vous aurez deviné que sur mon mollet gauche, ma jambe gauche, il y a le tatouage du premier couplet de Lazy. Mais voilà, je vous en parle pas pour ça, parce que je ne vais pas parler de moi forcément. Parce que pourquoi Noir Désir a sorti, il y a tout juste quelques jours, un album acoustique Unplug, tant attendu, de la part d'un des plus grands groupes de rock en France. Ce double album est composé d'un enregistrement déjà effectué à Milan, pour la radio italienne lors de la tournée des Visages des Figures en 2002. Le groupe y revisite 7 titres en acoustique. Si rien ne bouge, Le Vent nous portera, L'Homme pressé, Des Visages des Figures, Les Écorchés à l'envers, à l'endroit et Song for GLP. Et le second disque est issu de l'émission télé allemande Mutsch Electric, enregistrée à enregistrée à Buenos Aires en 1997. Pendant la tournée 666-667 Club, où le groupe a interprété 4 titres arrangés spécialement pour l'occasion, Un jour en France, Fin de siècle, À l'envers l'endroit et encore Song for GLP. Pour le plaisir, on s'écoute Un jour en France dans Only Rock, c'est parti. Les beaux discours, aux poteaux les pourris, les corrompus aussi, dents blanches et carnassiers. Mais à la première occasion, chacun devient de la rue, la foire au pognon qui se trame ici à la danse avec Dionysse. Se rappelle de la France, ou des réminiscences de l'ordre, des jeux de l'essence, quand on vivait mieux. Il y a des polémiques et on pouvait discuter, mais c'est Mickey qui a gagné, allez d'accord, n'en parlons plus. Un jour en France, Noir Désir sur Only Rock. Alors on va enchaîner avec un groupe anglais des années 70, début 80. Les Clash, pourquoi ? Parce que London Calling, c'est l'expo sur les Clash actuellement au Museum of London. Donc le Museum of London annonce l'exposition The Clash London Calling. Il s'agit d'une expo gratuite présentant une collection de plus de 150 objets, des archives personnelles du groupe, donc des Clash, dont des notes, des vêtements, des images et de la musique, dont plusieurs inédits. Il faut dire que le troisième album The Clash London Calling est devenu un classique dès sa sortie en hiver 79. Déjà considéré comme un chef-d'œuvre à l'époque, il est toujours l'un des meilleurs albums rock de l'histoire. L'exposition London Calling The Clash, c'est au Muséum de Londres du 15 novembre au 19 avril 2020. Et pour le plaisir, on s'écoute Rock the Casbah. Que vous pourrez voir donc au musée de Londres pour une expo qui leur est consacrée sur l'album London Calling. Maintenant, on passe, allez, on saute du coq à l'âne, on passe avec un groupe parisien, les Crash Birds, qui étaient en concert samedi dernier au Just Bar à Montlouis-sur-Loire, tout à côté entre Amboise et Tours. Il y avait une cinquantaine de personnes dans le bar pour les voir et franchement, ça valait le déplacement. On écoute Weekend Lobotomy, les Crash Birds, c'est dans le premier rang. We'll be right back. Only Rock, la passion du rock sur le web. Les Crash Birds dans Only Rock, et maintenant on va écouter un groupe alsacien, c'est un trio de heavy blues, les Dirty Deep. Ils ont sorti avec Jarol Pupo, le célèbre guitariste et ancien collaborateur de Johnny Hallyday, un vinyle de titres intitulé Meet Me in the City. Donc je vous invite à vous le procurer sur toutes les plateformes de téléchargement et le disquaire, les bons disquaires près de chez vous. Les Dirty Deep sont en concert au mois d'avril. Le 9, ils seront à Saint-Malo à la Nouvelle Vague. Le 10 avril, ils seront à Mérignac au Krakatoa. Le 11 avril, à Massy au Centre Culturel Paul Bay. Leur dernier album, ça s'appelle Tilandia. Et on écoute tout de suite She Could Be One, sorti sur leur album Tilandia, les Dirty Deep. Could Be The One, les Dirty Deep dans Only Rock. Et voilà, l'instant fatidique est arrivé. On arrive au moment de la première partie de l'interview Blancas. Je vous le rappelle, vendredi dernier, ils étaient en concert à l'espace Sologne de l'Affaire de Saint-Aubin. Et j'ai eu le plaisir, juste après les balances, de croiser Guillaume, donc le chanteur et frère de Johan, qui est guitariste dans Blancas. Il m'a accordé une interview. On écoute la première partie où il parle un peu de l'écriture, comment le sixième album studio, C'est quoi ton nom ? Est né avec Johan, son frère. Donc Blancas dans Only Rock, c'est maintenant. Allez, je suis à l'espace Sologne de l'Affaire de Saint-Aubin avec Guillaume de Blancas. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous. Donc là, Blancas, c'est bientôt 30 ans de carrière, sans compter les années de travail en étant mineur. Hein, voilà. Donc on a dit d'être détourné après les albums, un album live, un double best-of aussi, un album pour le jeune public, avec des artistes qu'on a retrouvés sur l'album. Alors pour le sixième album, vous avez pris votre temps, 6 ans je crois depuis le dernier album studio, et l'écriture s'est finie fin 2018, alors comment ça s'est passé un peu ? Bah, en fait on a sorti le best-of en 2014, et on était en train de travailler sur l'album pour enfants, qui s'appelle Balthazar Tête de Bois, qui est un livre-disque pour enfants qui est sorti au Cherche Midi éditeur, et qui est sorti donc toute fin 2015, novembre 2015. Et c'est vrai que c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps. Effectivement, il y a plein d'invités, entre Pierre Perret, Thomas Fersen, Sylvie Testu, Elodie Frégé, et donc Mathieu Cause, le chanteur de Nada Surf, qu'on retrouve sur le nouvel album. Et ça s'est sorti donc toute fin 2015. Et puis en 2017... on a commencé à écrire des chansons pour le nouvel album Blancas avec Johan, tous les deux, mais sans se donner de date de sortie d'album, quoi. On avait vraiment, enfin en gros personne nous attendait, quoi. Voilà, on était vraiment, même beaucoup de gens pensaient que le groupe n'existait plus, mais nous on s'est jamais séparés, quoi. C'est juste qu'on était, on faisait d'autres choses, quoi. Voilà, quoi. Moi je faisais pas mal de concerts solo avec un pianiste, avec le pianiste des Blancas d'ailleurs. Johan tournait avec un spectacle sur Bob Dylan. Et donc on n'avait aucune pression et on s'est mis à écrire des chansons à partir de 2017, et on a fini effectivement fin 2018 à écrire cet album. Et c'était un retour aux sources un petit peu d'écrire sans rien que soit prévu, sans savoir même si l'album sortirait, on savait pas. Sans pression. Et sans pression, c'était super. Ouais. Alors l'écriture à quatre mains pour Blancas, c'est facile ou pas ? C'est une évidence pour vous ? Ouais, c'est même pas pour Blancas, c'est mon frère et moi, quoi. C'est Johan et moi. Alors même pour les chansons qu'on a faites pour les autres, on est habitué à travailler ensemble. Et alors des fois on s'engueule, hein, comme tout le monde. Hein, des fois on se fâche et tout, mais on y arrive bien, quoi. Moi j'aime bien quand il me donne la musique avant et que j'invente le film qui va aller sur la musique du film, quoi. Voilà, quoi. Des fois c'est le contraire, des fois je lui donne un texte, mais je préfère quand il me donne une musique et faire le texte dessus. Et voilà, on est habitué. Et puis sur cet album là, on va un peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on s'est encore plus mélangé les tâches, quoi. C'est-à-dire que avant c'était toujours Johan qui faisait toutes les musiques et moi toutes les paroles. Et là il y a certaines chansons où Johan a fait paroles et musique et moi où j'ai fait paroles et musique. Voilà, on avance un peu plus dans le travail en commun, quoi. Alors, justement, pour vous parler de votre travail comme avec Johan, comme un travail d'artisan culturel, ouais. Musical. Ouais, c'est vrai, ouais. Oui, parce que nous on n'a jamais appliqué de recette, quoi. On nous a dit après La Couleur des Blés pour le premier album qu'il fallait refaire le même album avec. Et nous, on a fait carrément l'inverse. On a fait un album très électrique et on avait vraiment envie de pas appliquer quelque chose, quoi. Et c'est vrai que ça a dérouté des gens, mais nous, on est comme ça et on. Et en fait, à chaque fois, on recommence à zéro, et comme quelqu'un qui recommence une tapisserie, comme dans les légendes, quoi. Voilà, c'est remettre l'ouvrage à zéro à chaque fois, et on est comme ça, on aime bien ça, et on fait ça avec une grande sincérité et une grande humilité aussi. C'est-à-dire qu'on est chez nous, dans le Berry, et on compose nos morceaux, dans la cuisine, dans, je sais pas, un peu partout, chez l'un, chez l'autre. Et dans ce sens, effectivement, il y a un petit côté artisan de la chanson, comme en parle Jean-Louis Murat. J'aime bien son côté artisan de la chanson aussi. Lui. Alors les textes sont bien faits, sont plutôt touchants. Merci. Et pour certains même émouvants. Et là, je pense à l'arrière-saison. Comment ça se passe, des écritures de textes comme ça? Est-ce que ça part sur des thèmes, sur des inspirations, sur des rencontres? Bah là, on est pile poil dans l'exemple précité tout à l'heure. Là, c'est une chanson que j'ai faite tout seul, paroles et musique. Et je le connais suffisamment pour savoir qu'il a écrit ce texte dans un moment où on devait être en tournée et qu'il avait vraiment envie d'être dans sa maison avec son petit gamin et sa femme. Et que des fois, effectivement, on est un peu loin de tout. Et voilà, quoi, je sais qu'il l'a écrit très sincèrement et il est très réussi, je suis d'accord. C'est un très beau texte et une chanson très émouvante, quoi, vraiment. Alors, qu'est-ce qui vous donne encore l'envie d'écrire aujourd'hui, après ces 30 ans de carrière? Bah, je sais pas, c'est la passion, quoi. On fait pas semblant et je pense franchement que c'est devenu tellement dur la musique aujourd'hui que franchement, si on aimait plus ça, on se forcerait pas, quoi. Tu vois, c'est vraiment qu'on a la passion, elle est là, on a encore envie de jouer nos chansons devant les gens et de faire des disques et de faire des concerts surtout. L'actualité, elle rentre en ligne de compte? Oh, bah oui, bien sûr. Je veux dire, l'actualité. On va dire l'actualité générale, mondiale, pour l'inspiration, pour tout ça. Et puis aussi l'actualité, malheureusement, matérialiste et économique, qui fait que, quand je disais que c'est de plus en plus dur, c'est vrai que aujourd'hui, moi, j'ai l'impression de temps en temps que la musique, elle sert plus à vendre des téléphones que des disques, quoi. On achète un forfait, on dit, ouais, il y a 3h30 de musique gratuite dedans. Et nous, les artistes, ces trucs-là, on n'en voit jamais la couleur, quoi. Jamais, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment aimer ça, pardon. Il faut vraiment aimer ça pour continuer. Mais nous, c'est le cas et la passion, elle est toujours là, intacte. Et en plus, cette année, il y a deux nouveaux musiciens, il y a un nouveau guitariste et un nouveau bassiste qui sont arrivés. Donc ça renforce cette impression de retourner au début et de monter un groupe dans le garage de ses parents, quoi. Alors, j'allais vous demander si votre travail d'auteur-compositeur avait évolué depuis vos débuts, après toutes ces années. Et je trouve que, justement, sur votre dernier album, on retrouve un peu la fraîcheur de vos deux premiers albums, sortis en 96 et L'air de rien en 98. Comment vous qualifieriez aujourd'hui votre écriture? Ben, c'est exactement ça. Je trouve qu'on a retrouvé une fraîcheur. Vraiment, moi, je vois des grandes similitudes avec cet album-là et le premier, même pas dans le son, bien sûr, parce que il est beaucoup pop, ouais. Beaucoup plus pop, mais dans l'intention, dans ce qu'on avait envie de dire, dans la manière dont on l'a enregistré, comme on disait tout à l'heure, sans que personne nous attende, comme le premier, et ça donne quelque chose de bien. Et je suis vraiment content de 25 ans après le premier album de pondre un truc comme ça. C'est vraiment, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir en effet. Et pour le plaisir, on s'écoute L'arrière-saison de Blancas. Parfois des gens, ça peut revenir à tout moment. Quand j'ai besoin, alors je me cache tout au fond. Quand je suis loin de mon cocon et je pense à la maison et à toi, mon arrière-pays, petit morceau de vie, mon arrière-pays. À quelque chose de bon. J'en ai fait des kilomètres. Besoin d'une bulle, d'un périmètre. Tourner la clé de la maison. Du soleil qui traverse le salon. La bouille de mon petit garçon. L'odeur de ses cheveux blonds. Et toi, mon arrière-pays, petit morceau de vie, mon arrière-saison. Toi, mon arrière-pays, tu me ramènes toujours à quelque chose de bon. Thank you. morceau de vie, mon arrière-saison. Toi, mon arrière-pays, tu me ramènes toujours à quelque chose de beau. Enchaîne avec la deuxième partie de l'interview où Guillaume me parlait un peu de sa relation avec le groupe à l'image dans les clips et dans et entre autres dans ce qui a fait la promotion de leur album l'année dernière, à savoir une mini web série. Je vous laisse tout de suite avec Guillaume qui va vous en parler. Le plaisir est partagé. Alors vous avez plusieurs casquettes parce que pour promouvoir ce sixième album studio, vous avez produit une web série. Alors comment l'idée de promouvoir l'album avec une web série et que je dois le dire est plutôt bien réalisée et plutôt très drôle. Comment ça vous est arrivé cette idée-là ? Bah en fait on s'est pris au jeu en fait. On avait eu l'idée on voulait sortir le premier single bien avant que l'album soit fini, juste pour dire aux gens coucou, nous revoilà. Et pour lancer ce premier single, tout le monde nous disait alors, il faut être très présent sur les réseaux sociaux et mettre des photos tous les jours. Et au bout d'un moment, on s'est dit, on va pas mettre des photos de l'enregistrement comme tout le monde, tous les jours, dans le studio. C'est toujours les mêmes photos. Et on avait deux copines réalisatrices, les sœurs Barbeau, qui étaient venues filmer le duo qu'on a fait avec Mathieu Cause sur l'album. Et on a eu l'idée de faire deux ou trois vidéos avec des copains. Alors, il y avait François Morel, il y avait Gauvin Serres, et puis, je sais plus, le troisième... histoire de faire deux trois petits sketchs pour lancer le single. Et puis on a fait un, puis deux, puis trois, puis vraiment quatre, et puis on s'est pris au jeu et on s'est mis à envoyer ceux déjà faits à des gens qu'on ne connaissait pas, comme Michel Simès, comme Valérie Damido, comme Jean-Pierre Darroussin, et tout le monde a dit oui, et on s'est retrouvé à faire une saison de 18 épisodes avec cette série C'est quoi ton nom, qu'on peut retrouver partout sur le web, hein, on tape C'est quoi ton nom, et on s'est vraiment marré, quoi. C'était vraiment, c'est très très drôle, vraiment. En effet, ouais. Alors, quelle implication vous avez dans les clips, et notamment le dernier que vous avez tourné là pour le titre Avec toi. Quelle implication vous avez en tant qu'artiste avec Johan dans l'écriture, dans la réalisation d'un clip ? Ça dépend. Sur le clip, c'est quoi ton nom ? C'est nous vraiment qui l'avons voulu souhaiter comme ça, qui l'avons écrit. On a fait faire ce masque par un artiste de Bourges, qui est dans la boîte d'ailleurs. Et puis on avait envie de tout maîtriser puisqu'on avait envie vraiment de faire un clip un peu bizarre, un peu. Et puis des fois, il est essentiel de laisser quelqu'un d'autre avec sa propre vision parce que sinon on tourne en rond, quoi. Et donc là, le nouveau clip qui s'appelle Avec toi, qui est en cours d'étalonnage, là, j'ai reçu une première version aujourd'hui, qui va sortir d'ici une quinzaine de jours. Donc là, on a vraiment laissé carte blanche à un réalisateur. Et il a fait un truc très très chouette, très très jeune, que nous, on n'aurait pas fait pareil, quoi. Voilà, c'est sûr. Ouais. C'est l'avantage de se laisser guider aussi par quelqu'un d'autre ? Bah, bien sûr, on a juste amené une actrice, une copine qu'on aime beaucoup, beaucoup. Et voilà, vous verrez qui c'est. C'est 15 jours, on suivra ça. Alors, si vous deviez associer un lieu à votre album, C'est quoi ton nom ? Ce serait quoi ? Où est-ce qu'il faudrait l'écouter, votre album ? Oh là là, je ne sais pas. Alors là, partout. Partout où on peut écouter de la musique, dans un champ, ou même au plein cœur d'une ville, à Paris, dans un bar. Ouais, vraiment partout, quoi. C'est vrai qu'on parle aussi bien de la ville dedans, donc Hold On To Me, on parle beaucoup de Paris, et puis dans l'arrière-saison, on parle de notre Berry natale, quoi. Donc, il marche partout, hein. Alors, je trouve que le tracklisting du disque lui donne une écoute plutôt agréable et fluide. Et ce travail-là de tracklisting, c'est un vrai travail. C'est vous qui vous en occupez avec Johan ou ouais. C'est la maison de disque ? Non, c'est nous tous les deux. Et là, c'est marrant parce que je suis assez d'accord, il est assez agréable. Et on a fait notre liste chacun de notre côté. Et c'était pratiquement la même, à une différence près. Sur le début, lui commençait par la clé, moi je commençais par, je sais plus, mais c'était la même pratiquement. Ouais, donc écoute, on est tombé pile poil, tu vois. Pas faire pour rien. Ouais, c'est vrai. Donc là, Guillaume nous faisait état du track listing, à savoir l'ordre des chansons qui vont apparaître dans le disque ou dans les vinyles. Et j'avoue que c'est une question qui m'intéresse beaucoup de poser aux artistes que je croise, parce que c'est un travail assez intéressant à voir. On écoute tout de suite, Si jamais tu passais, un superbe titre qu'on retrouve sur le 6e album studio des Blancas, C'est quoi ton nom ? Tu sais, si jamais tu passais au détour d'une idée, si jamais tu tombais chez moi sans y penser, si jamais tu passais un matin pour de vrai, si le vent t'amenait, tu pourrais t'arrêter, si jamais tu frappais à la porte d'entrée, si jamais tu passais. Et si jamais tu traînais un soir dans mon quartier, si jamais tu voyais la lumière allumée, tu devrais t'arrêter, me dire que tu vas bien. J'ai peut-être un café et peut-être du vin, je n'ai peut-être rien, mais qu'est-ce que ce serait bien si jamais tu passais. Oh, je ferais comme si je t'attendais, comme si rien ne s'était passé. Oh, je ferais comme si je t'attendais, si je suis là. Tu sais, si jamais tu passais au hasard d'un oubli, et si tu arrivais comme arrive la pluie, si jamais tu venais comme un courrier perdu, si tu te retrouvais juste au coin de ma rue, dis-toi qu'il n'est pas loin le temps où l'on passait, le temps où l'on traînait. Oh, je ferais comme si je t'attendais, comme si l'histoire continuait. Je ferais comme si je t'attendais, si je suis là. Si je suis là. Comme si l'histoire avait continué. Oh, je ferais comme si je t'attendais, si je suis là. Oh, je ferais comme si je t'attendais, comme si rien ne s'était passé. Oh, je ferais comme si je t'attendais, et je suis là. Et je suis là, oui je suis là. Si jamais tu passais, si jamais tu passais, je serais là. Et on écoutait les Blancas en interview, je vous le rappelle. On va écouter la dernière partie d'ici quelques minutes. On va faire une petite pause. Mais je tiens à remercier encore quelqu'un en particulier que vous connaissez maintenant sur Radio Web Passion, parce que pendant cette interview, Didier Thibault m'avait demandé s'il pouvait venir prendre des photos, et bien sûr c'était avec un grand plaisir que j'avais accepté cette invitation. C'est toujours sympa de revoir Didier. Alors Didier, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, si je vous dis Jackal, si je vous dis Hot Rods, voilà, et bien vous, voilà, tout le monde le reconnaît maintenant. Ça se passera donc l'épisode 3 de Hot Rods, ça sera demain soir 18h-20h, et demain une émission un peu spéciale, parce que jusqu'à ce que la mort nous sépare, Jackal vous donne rendez-vous demain mercredi 12 février pour célébrer comme il se doit la Saint-Valentin sur Radio Web Passion, bien sûr. 18h-19h, la partie classique rock, et 19h-20h, une spéciale Saint-Valentin. Et je pense qu'il avait sollicité ses auditeurs et auditrices pour qu'on lui propose des chansons, des titres qui reflétaient au mieux la Saint-Valentin. Donc soyez à l'écoute demain, parce que voilà, peut-être qu'on écoutera une de vos chansons que vous aurez choisies. Allez, sans transition aucune, on écoute tout de suite des Bretons. Ils se sont reformés après 9 ans d'absence, les Matmata. Et le 23 septembre 2016, ils annonçaient une tournée de plus de 30 dates et la sortie de leur album à plate couture qui sortait le 3 mars 2017. Et sur cet album, on écoute « Nous y sommes ». Quelques milliers d'années auront suffi à l'infecter. Pauvre petite planète souillée de notre humanité. Explosez la charge virale. Et voici que notre hôte entre en phase terminale. À qui la faute, où est le mal? Après tout, c'est la nature qui régale. Qu'il est bien loin le temps où nous n'étions que des primates. Avant que tout ne dégénère du rift au tigre à l'Euphrate. Si loin déjà la session d'incubation initiale. Quelques complications depuis l'homme de Néandertal. À qui la faute, où est le mal? Après tout, c'est la culture qui s'étale. S'il ne reste qu'un tour avant la fin de la mission, abreuvons d'amour les champs de ruines que nous laisserons. Dansons, dansons en cette fin de civilisation. Dansons, ça y est, nous y sommes. Dansons, dansons en cette fin de civilisation. Dansons, dansons. Elle est propre traque à la nouvelle mutation. Elle est propre traque. Elle est propre traque à la nouvelle mutation. Elle est propre traque. Creusons plus large ces fossés qui nous protègent des indigents. La tectonique des classes, dynamique du clash imminent. Matmata, nous y sommes en direct dans Only Rock. Et on va se faire plaisir encore avec des Bretons juste après. On va écouter Massisteria avec un titre sorti sur l'album Hellfest 2019. Vraiment un énorme album de Massisteria. Je vous en parle d'ici quelques secondes. On aura ensuite les Nervous Cabaret. Et après, un groupe tourangeau dont je vous en parlerai davantage d'ici quelques émissions, le groupe Noitol. On écoutera Child Soldier. Alors pourquoi je veux vous parler tout de suite des Bretons, enfin de Massisteria qui était sur le festival breton le Hellfest en 2019, le 21 juin précisément sur la main stage 2 du Hellfest. C'est simplement un des concerts pleinement réussis avec un mousse Kelly, des grands jours, une mise en scène digne d'un blockbuster et une setlist aux petits oignons. Bref, Massisteria a réalisé là le plus gros concert de sa carrière. Et pour ça, forcément, à l'automne dernier, il y a un CD, un DVD, un Blu-ray, enfin tout ce qu'il faut, le vinyle, le double vinyle qui est sorti pour écouter le Massisteria version Hellfest 2019. On écoute tout de suite Positif à bloc. C'est parti. Est-ce qu'on peut envoyer le lourd ? Cette chanson, journée. Nervous Cabaret, Break in Violence, c'est sorti en 2006 et je les ai découverts au Transmusical de Rennes, ce groupe new-yorkais excellentissime. Allez, on continue la dernière partie de l'interview de Guillaume de Blancas à La Ferté-Saint-Aubin, c'était vendredi dernier à l'Espace Sologne, juste avant son concert. Je l'interrogeais sur un peu la transmission, l'échange, la place de ces valeurs-là dans la musique et on l'écoute tout de suite. La tournée a démarré déjà avec un line-up renouvelé, tu en parlais tout à l'heure, avec Jérôme et Alain qui vous ont retrouvé. Alors comment ça se passe aujourd'hui avec ce nouveau groupe sur scène ? Ah bah, ça se passe super bien, je dis, on a retrouvé vraiment, j'ai l'impression d'avoir 18 ans et de jouer avec des copains. Voilà quoi. En plus, ils viennent pas de notre région, donc Jérôme, on s'est rencontré parce qu'il organisait un festival et avec mon projet solo, j'étais joué dans son festival avec Cédric, puis on est devenus copains. Et puis Alain, qui est le bassiste qui a tourné beaucoup avec Cali, avec Raphaël, tout ça. Ça fait très longtemps qu'on s'était dit qu'on jouerait ensemble et là, il était libre sur cette tournée-là et donc voilà quoi. Mais effectivement, c'est le fait de renouveler la composition du groupe, et puis surtout avec des gens avec qui on s'entend très bien, quoi. Voilà, donc il y a les mêmes conneries dans le camion, les mêmes rires, et on a l'impression de retomber en enfance un petit peu. Ouais, parce que c'est important de bien s'entendre avec ses collègues de travail, surtout quand on part en tournée. Ah ouais, c'est sûr. Moi, je pourrais pas faire de la musique avec quelqu'un que j'aime pas, quoi. Enfin, il y en a qui le font, hein, ça arrive, mais. Moi, je peinerais. Hein. Alors, en tournée, il y a aussi autre chose qui est important, c'est le matériel. Alors, quel rapport vous avez avec votre matériel, votre ampli, votre accordéon ? Bah, on y fait très attention, parce que... Enfin, surtout moi, l'accordéon. Parce que l'accordéon, c'est un truc très fragile, en fait. Et je pense que chaque guitariste est amoureux de ses guitares, un petit peu. Voilà, quoi. Je crois que c'est vraiment le truc, c'est vraiment les guitaristes qui bichonnent leur guitare et tout. C'est... Ouais. Moi, j'aime bien mon accordéon aussi, mais il n'y a pas le même rapport, je crois, entre une guitare et le guitariste. C'est pas pareil. Et si, par hasard, sur une date, l'accordéon est oublié, vous pourriez jouer sur un autre accordéon comme ça qui vous serait prêté à main levée ? Ouais, c'est sûr, ouais. Mais Ça serait, ça, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, quand même. C'est vrai. En effet, ouais. Donc, sur l'album, il y a des duos, hein, notamment avec Matthew Cause, on l'a dit, de Nada Surf, sur Regarde-moi, sur Regarde-moi tomber, et Marca, sur le titre Skin. Alors, c'est quoi? C'est l'échange qui est important dans la musique avec d'autres artistes pour faire des duos? Ouais, c'est, enfin, chez nous, les duos, ça marche si c'est vraiment une histoire d'amitié. C'est pas un truc de commande ou, ou voilà, des duos avec des gens qu'on connaît pas, on se dit tiens, maison de 10 dit que ce serait bien de faire un duo. Enfin, nous, c'est, voilà, nous, c'est avec des amis, quoi. Mathieu, on le connaît depuis longtemps, et Marca, depuis encore plus longtemps. Marca, ça fait 30 ans qu'on se connaît. C'est Jean-Louis Foulquier qui nous avait présenté, et on est restés copains, et donc voilà, quoi. Donc, ça fait longtemps qu'on avait envie de faire un truc ensemble, et là, c'était le moment, quoi. Alors, c'est quoi? C'est l'amitié qui amène la chanson, ou c'est la chanson qui amène les copains? Ah non, c'est l'amitié qui amène la chanson, ouais. Ouais, voilà, ouais. Oui, c'est sûr. C'est comme ça que, enfin, moi, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Donc là, on est dans l'échange et en préparant l'interview, j'ai vu sur le site de Blancas que tu avais été invité il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de novembre, dans une école à Laigné-les-Bois, où là, tu avais rencontré les élèves, l'instit qui avait préparé la rencontre du feu de Dieu, c'était excellent, et les parents. Et alors là, dans ces moments-là, on est plus dans la transmission. Ah oui, carrément. Mais c'est pas la première fois que je le faisais, et je dis oui à chaque fois parce que c'est hyper important de mettre en œuvre, en vrai, ce qu'on dit sur scène. C'est-à-dire que moi je dis il faut y croire, on peut faire voilà, nous on vient d'Issoudun dans le Berry, on peut faire de la musique, il faut être passionné, on peut, et puis il faut faire attention à garder une forme de liberté, à pas trop écouter ce que les adultes nous disent, tout ça. Et si je vais pas le dire dans les écoles, voilà, ça sert à rien que je parle à un public de je prêche des convertis dans les salles. Donc, et là, le fait d'aller raconter tout ça aux gamins, c'est essentiel, quoi. C'est vraiment chouette. Si peut-être un jour ça peut donner une vocation, pourquoi pas? Voilà, c'est, je me dis ça à chaque fois, et à chaque fois c'est une rencontre géniale, hein, parce que les gamins, ils sont cash. Ils sont libres, ils disent ce qu'ils pensent, vraiment c'est hyper agréable. Alors c'est quoi les retours de ce jeune public qui avait écouté l'album, j'imagine? Non, ils avaient écouté les albums, pas le nouveau encore. Bah c'était génial, j'ai chanté 2-3 chansons avec eux, ils chantaient tout par cœur. Et voilà quoi, et après ils ont l'école a organisé on leur a dédicacé chacun un album du nouveau, enfin voilà, c'était vraiment c'est super, ouais. Quoi, et il est prévu d'ailleurs dans la tournée qu'ils prennent un car et qu'ils viennent nous voir en concert. Ah non, ils font ça jusqu'au bout, quoi. L'école, c'est vraiment génial, quoi. On sent que l'instit est investi à 100%. Ah ouais, il s'appelle Antoine, il est fabuleux, j'aurais bien aimé avoir un instit comme lui. Vous avez fait une super déco dans la salle des fêtes avec les vinyles de Blancas, les affiches. Avec toute l'histoire du groupe, ils avaient fait des exposés sur toutes les périodes du groupe. C'était vraiment fabuleux. Hein. Donc là, pour le dernier album, Studio, c'est quoi ton nom? Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter à Blancas maintenant? À nouveau 30 ans de carrière à venir ou... Ouais, oui, moi je signe dès demain. Vraiment. Ouais, voilà, et nous souhaiter que ça continue comme ça, c'est tout. Qu'on ait toujours cette fraîcheur et puis cette dose légèrement d'ignorance qui fait qu'on est assez fou pour continuer, quoi. Voilà. Merci Guillaume et puis bon concert ce soir. Merci beaucoup, merci. Et je suis en vie. Je m'appelle Eiffel et je suis Paris. On m'appelle Lisa mais je suis Vinci. On m'appelle là-bas quand je suis ici. On me nomme poussière et je suis parti. Je m'appelle misère et je suis Charlie. On m'appelle rivière et je suis Johnny. Je m'appelle Aster et je suis Kelly. Je m'appelle Arthur et j'ai 17. On m'appelle Solar, je suis Caroline. Je m'appelle Jedi, je suis Vendredi. On me nomme Toumaï et je suis Lucie. Je m'appelle Mystère et je reste entier. On m'appelle Repère et je suis paumé. Je m'appelle Soleil et je suis en vie. Je m'appelle Eiffel et je suis Paris. C'est quoi ton nom? Et toi, c'est quoi ton nom? Cincinnati. On m'appelle Zindine et je suis Messi. On m'appelle Bizarre et je suis Betty. Je suis sur la page, pas dans ton lit. Je m'appelle la mer et je suis traîné. On m'appelle colère et je suis ferré. Je m'appelle brouillard et je suis la nuit. On m'appelle histoire et je suis tuerie. Je suis revolver et je touche les nonnes. On m'appelle enfer, je suis Morrison. On m'appelle Warhol et je suis Basquiat. Je suis camisole et je prends tes bras. Je suis mal armé mais bien protégé. On m'appelle Qatar et je suis blindé. Je m'appelle Remord et je suis amer. On m'appelle Vador et je suis ton père. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Et voilà, l'interview de Blancas dans Only Rock, c'est passé, c'est terminé. Je remercie encore le groupe et Guillaume pour son accueil chaleureux juste avant son concert. C'était vendredi dernier à la Ferté-Saint-Aubin. Vraiment un excellent concert. Que vous, d'ailleurs, vous pouvez retrouver des images, des photos de ce concert sur la page de Only Rock sur Facebook. Voilà, la transition est faite maintenant. Une petite information qui a fuité hier sur les réseaux sociaux, donc vous le savez, mais voilà, je la donne quand même. Les Rage Against the Machine seront au domaine de Saint-Cloud le 1er septembre prochain pour le festival Rock en Seine. Ce sera leur seule date en France lors d'une tournée mondiale. Donc si vous voulez voir les Rage Against the Machine, ce sera le 1er septembre à Paris l'année prochaine. Allez, on retourne en Touraine parce qu'il y a un groupe que j'affectionne qui s'appelle Noatol. C'est un groupe de rock progressif tourangeau composé de 4 musiciens. Et depuis 20 ans, le groupe a su séduire un large public au fil des concerts qu'ils ont donnés, assaillant les scènes de riffs percutants et mélodiques. Le 20 avril dernier sortait leur dernier album, Free Your Mind. Le groupe se fait un plaisir de venir défendre ce dernier opus sur scène. Et quelque chose me dit qu'on les verra sur scène cet été sur un festival tourangeau, du moins tout près de Tours. Je ne vous dis que ça, mais voilà. On écoute tout de suite Child Soldier, c'est Noatol et c'est dans New York. We'll be right back. Vous écoutez Radio Web Passion. Et vous êtes toujours dans Only Rock jusqu'à 19h. On enchaîne avec 2-3 informations à vous communiquer. Sachez que le dimanche 19 avril, si vous avez des instruments de musique, des vinyles, des CD, des partitions à vendre, vous pourrez vous rendre à la broque musicale de Chargé. Alors Chargé, ça se situe juste à côté d'Amboise, donc en Touraine. Ça se passe le dimanche 19 avril à la salle des fêtes de Chargé. Donc, inscription exposant avant le 31 mars prochain. Restauration sur place, parking gratuit. Et toutes les informations sur www.rockinchargé, en minuscule sans accent, .fr. Et puis, on vient de l'apprendre. C'est une info des Inrecuptibles et de Discardet. Pour continuer sur notre lancée Third Man Records, l'album de Stilge des White Strap, fête ses 20 ans. Une sortie prochaine en double vinyle avec quelques inédits est prévue au programme. Voilà, vous savez tout. On enchaîne tout de suite avec un groupe qui est né en 1995, descendre du mythique groupe Kyuss. Les Queens of the Stone Age se sont rapidement fait un nom dans le milieu stoner, avec deux ex-rois du désert à leur tête, en la personne de Josh Homme et de Nick Olivieri, complété par une formation, on va dire, à géométrie variable, hein, qui verra passer, entre autres, comme musicien, Alfredo Hernandez, un ex-Kyuss, Matt Cameron de Soundgarden, Mike Johnson de Dinosaur Jr. ou encore Mark Lanegan de Screaming Trees. Pour l'heure, on écoute Little Sister, Queen of the Stone Age, c'est maintenant. Allez, on continue sans transition aucune avec une information. Les Têtes Raides, l'année 2020 sera Têtes Raides ou ne sera pas, puisque les Têtes Raides ressortent une réédition de la discographie complète de tous leurs albums avec un best-of accompagné de la célébration des 30 ans de Ginette. Et ils seront sur les routes cet été, ainsi qu'à Paris, à l'Olympia. Et ça sera prévu le 7 novembre prochain. Un concert qui sera précédé, bien sûr, par quoi ? un nouvel album. Qui dit mieux ? Eh ben rien. On écoute tout de suite Gérard dans Only Rock et c'est des têtes raides. J'ai rarement mes canaux, répare mes petits bobos. Sous la peau du chapeau, y a des chevaux, y a des chevaux. Quand j'ai les filtres encrassés ou les durites bouchées, je décroche le bigot. Salut Gérard, c'est Bobio. Clé anglaise ou à pipe, pipe pipe, pipe pipe. Ça n'est pas de l'artifice. Quand tu joues du tournevis, Gérard, j'ai froid dans le dos. Adé, que tu sors ton couteau. Quand j'ai le disque fêlé ou la bille coulée, aux urgences des mécanos, t'as vu Gérard, j'ai des trous dans le pot. Le cardan avant droit qui boite, au contrôle de la technique, j'ai ces hauts de pathétique. Gérard, j'ai froid dans le dos. Adé, que tu sors ton couteau. Quand Gérard est par les bobos du cylindre de mon auto, j'ai du cheval sous la peau. Oui, sous la peau, oui, sous la peau. Dans mes kilomètres carrés, j'ai le café, la télé et des histoires à gogo. Couché dans le caniveau, c'est les lanternes magiques de mes rêves utopiques. On en fera des photos à vieux motard que moto. Et au cimetière des autos, y'aura peut-être un écriteau qui dira j'ai dans le dos la ferraille et le couteau. J'ai rarement mes canaux, répare mes petits bobos. Sous la peau du chapeau, y a des chevaux, y a des chevaux. Oh, oh, oh, oh. Et si t'as le cafard, passe voir Gérard à Vigneux-sur-Seine. Coule la Seine. Monsieur Gérard, à Vigneux-sur-Seine. Allez Gérard, allez Gérard, Vigneux-sur-Seine, les têtes raides dans Only Rock. Et rendez-vous le 7 novembre prochain à l'Olympia pour voir les têtes raides tous ensemble sur la scène. On se quitte avec un titre de Wood Unit, 4 ans après leur troisième album. Les Wood Unit reviennent dans les bacs avec Memories from a Shithole. Alors ils sont tour à tour grunge, rock, punk. Les Wood Unit ne renient pas cependant le boogie et le blues. Sur le titre The Price, ça déchaîne, le son saturé se déchaîne avec les guitares, avec un son un peu brouillon certes, mais voire carrément crade. Sur Love Me, c'est comme une nécessité absolue qui exige votre amour. La voix suave de Didier vous hypnotisera en vous laissant désarmer. Et sur le titre Common qu'on va écouter, c'est comme une invitation au rock psyché des années 60. Alors on se termine avec Wood Unit, Common, et c'est maintenant. Et surtout, restez à l'antenne parce que je vous donne rendez-vous aux alentours de 20h avec une petite surprise. Bye bye, bonne fin de journée et à tout à l'heure, 20h sur radiowebpassion.com. Only Rock, la passion du rock sur le web, une émission animée par Fabien sur radiowebpassion.com. Écoutez votre radio sur www.radioweb-passion.com.